Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Marguerite Gatteau, bonjour. Vous êtes la réalisatrice et la productrice de cette collection Première Lecture, Lecture d'enfance, une collection qui avait été proposée, imaginée par Alain Truta en 1988 et 1989. Donc vous posez des questions à des acteurs, vous leur faites lire des textes de leurs souvenirs d'enfance de lecture. Et donc aujourd'hui, c'est Clotilde de Bézère, qui est aujourd'hui à la Comédie Française et qui était à cette époque-là une toute jeune comédienne. Oui, je l'avais vue, elle était embauchée par Jean-Pierre Vincent dans un Marivaux, elle jouait le rôle principal, la jeune première, et je l'avais trouvée absolument éblouissante, elle était époustouflante sur scène. Et donc j'ai eu envie du coup de lui proposer, parce que j'avais aussi fait un panachage entre les hommes, les femmes, des gens plus jeunes, des gens plus âgés, donc elle faisait partie des jeunes à l'époque, Clotilde Bézère. Et alors elle m'a énormément surprise, puisqu'elle a choisi un livre dont je ne connaissais pas le titre, et pour cause, puisque ce titre c'était Krastinias, et que moi je connaissais le titre allemand par contre, qui s'appelle Le Strouvelpeter. Alors Le Strouvelpeter, c'est un livre qui a toute une histoire en Allemagne. C'est un peu mon livre de chevet allemand en quelque sorte. D'ailleurs il est toujours chez moi, et il est dans mes toilettes, affiché. Et donc c'était un livre qui a été une série d'histoires pour les enfants, écrites en vers, par un psychiatre qui s'appelait Heinrich Hoffmann et qui était un psychiatre absolument novateur à l'époque, donc ça date du 19e siècle, et qui avait pensé ces contes, qui sont des contes extrêmement cruels, terrifiants, où on coupe les doigts des enfants, enfin c'est un truc terrible, et qui avait imaginé cette chose pour ses petits patients. Et ça a eu un tel succès en Allemagne que c'était vraiment le livre pour enfants en Allemagne et ça a perduré jusque dans les années 60-70. Et là, tout le mouvement étudiant est passé par là, les contestataires, la pédagogie nouvelle, etc. Et là, il a été mis évidemment au banc, puisqu'on a considéré que c'était vraiment un truc sadique, etc. Et donc j'étais quand même très étonnée de voir que Clotilde Bézère choisissait ce livre, parce qu'en France, personne ne le connaissait. Et en fait, il avait été... Alors, il est traduit, c'est intéressant, je crois que c'est Cavana qui a traduit Krastinias, le Strouvelpeter. Je ne savais déjà pas qu'il savait l'allemand, et qu'il a traduit en français, et superbement traduit. Ils ont gardé les images de l'époque. Donc, Krastinias, c'est un petit garçon qui ne veut pas... Alors, c'est que des enfants qui font des bêtises. Et donc, Krastinias, il ne veut pas se couper les cheveux, ni se les laver, ni rien. Alors, je ne sais plus, d'ailleurs, maintenant, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Évidemment, le but, c'est de lui couper les cheveux. Et donc, oui, voilà. Donc, j'étais un peu interloquée qu'une jeune femme, d'une jeune comédienne me propose ça. Et en fait, il me semble me souvenir, mais ça, vous allez l'entendre, que c'est parce qu'elle avait eu une gouvernante allemande quand elle était jeune, qui lui parlait en allemand et qui, donc, lui lisait le Strouvelpeter dans le texte, pas du tout en français. Voilà, et c'est pour ça... Parce que c'était son premier souvenir d'histoire qu'on lui racontait quand elle était petite, qu'elle avait choisi Krastinias. Ça m'a beaucoup touchée et étonnée à la fois de tomber sur... Et à cette époque, mon preneur de son, c'était Pierre Mine. Et Pierre Mine, il avait justement une tignasse comme ça. Il avait une tignasse... Bon, c'était plus les années 70, mais en 88, il y en avait encore qui avaient des grosses tignasses, quoi. Il n'y en a plus maintenant, enfin, ça revient. Bon. Et donc, je me souviens que j'avais appelé Pierre Mine Krastinias à cette occasion. Et d'ailleurs, Pierre Mine m'avait du coup offert Krastinias et je lui avais offert le Strouvelpeter. Voilà, ça s'appelle en fait Krastinias. C'est une révélation que je fais aujourd'hui. Merci Marguerite Gatteau. Donc, on vous écoute avec Clotilde de Bézère. Prologue. C'est pour les gentils bambins que le petit Jésus vient. Quand ils mangent bien la soupe et tout le pain qu'on leur coupe, quand très sages, très discrets, ils jouent avec leurs jouets, quand ils vont avec maman, main dans la main, gentiment, ils leur donnent des cadeaux, des petits et puis des gros, et puis comblent de bonheur un très beau livre en couleur. première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Clotilde de Bézère lit Crastinias du docteur Heinrich Hoffmann. As-tu vu comme il est laid? On dirait un vieux balai. Longue et sale et satignasse. C'est bien lui, Crastinias. Jamais, jamais il ne veut qu'on lui coupe les cheveux. Et ses ongles, as-tu vu ça? Ils sont longs à faire peur. Chacun crie avec horreur, « Pouah, Crastinias, pouah !» Clotilde Bézère, vous avez choisi de lire Crastinias. En allemand, c'est le Strubelpeter du docteur Heinrich Hoffmann. Alors, je crois que c'est un livre qui a une histoire dans votre famille. Oui, oui, c'est un livre que j'ai connu par ma grand-mère, qui nous lisait Crastinias avec une traduction en anglais, en fait. Et elle avait eu ce livre par son propre père, qui l'avait acheté pour ses enfants parce qu'il avait été éduqué par une nourrice allemande qui avait ce livre, parce que je crois qu'en Allemagne, c'est le livre d'éducation des petits-enfants, quoi. Donc c'est vraiment une tradition qui se renouvelle, quoi. Et là, j'ai appris par ma grand-mère, justement, que mes derniers petits frères, qui ont 5-6 ans, adorent ce livre et sont passionnés, comme nous, on était passionnés quand on était petits, quoi. C'est un souvenir qui est resté vraiment très fort dans ma mémoire. Les images, des textes, enfin, c'est vraiment... Et qu'est-ce qui vous plaît dans Crastinias? Justement, moi, j'avais un souvenir très fort des images. Et je me souvenais surtout de l'image de Peter, l'ébouriffé, là, avec ses cheveux pas possibles, qui partent dans tous les sens, et ses ongles immenses, qui, quand j'étais petite, me faisaient très, très peur. Et j'ai rouvert ce livre, là, récemment, et j'ai retrouvé vraiment des impressions très, très fortes en feuilletant, quoi. C'est... Toutes ces petites illustrations assez naïves ont sûrement marqué très fort mon imagination de tout enfant, parce que je l'ai lu vraiment, enfin on me l'a lu quand j'étais toute petite, vraiment toute petite, et je ne l'ai pas revu depuis. La très triste histoire de Pauline et des allumettes. Pauline à la maison s'ennuie. Ses parents étant de sortie, elle est seule avec ses minets, avec sa poupée et ses jouets. Que voit-elle sur la tablette? Mais une boîte d'allumettes? L'idée lui vient tout aussitôt. Chic! Voilà un joujou nouveau. Je vais faire, dit la friponne, comme font les grandes personnes. Mia et Miu, les deux chatons, font signe avec leurs petons. Leurs signes disent cela. C'est défendu par papa. Miaou! Miaou! Miaou! Mi! Ça te brûlera aussi. Mais Pauline ne fait qu'en rire. Crac ! La flamme se met à luire. Elle grandit et étincelle. Ses couleurs sont vraiment fort belles. Sur l'image, l'on voit très bien Pauline qui bat des mains et qui saute et danse et rit, tant la flamme la réjouit. Mais Mia et Miu, les chatons, font signe avec leurs petons. Et leurs signes vont disant « C'est défendu par maman !»« Miaou ! Miaou ! Miaou, mi, ça te brûlera aussi. » La flamme est de plus en plus haute. Soudain, sur la robe, elle saute. Elle a très faim, elle dévore rubans, cheveux, encore, encore, brûle mains, pieds et paupières, brûle Pauline tout entière. Mia et Miu, pauvres chatons, crient très fort sur tous les tons, et leurs cris disent « Au feu ! Accourez, gens de tout lieu ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Mien ! Il n'en restera plus rien !» Hélas, tout fut bientôt brûlé, des oreilles jusqu'aux pieds. De Pauline, il ne demeura que des cendres en petits tas, et puis aussi ses deux souliers, si mignons et si bien cirés. Mia et Miu, les deux chatons, pleurent devant les tisons. Leurs larmes disent ceci. Pauvres parents si gentils. Miaou, miaou, miaou, miac. Leurs pleurs font un petit lac. Il y a une image dont je me souvenais très très fort. D'abord, c'est l'image où, où Pauline brûle, on voit sa robe avec plein de flammes, une énorme fumée, les deux petits chats effarés qui crient et qui ouvrent la gueule. Et puis surtout, c'est la dernière image que je trouve très drôle maintenant, mais quand j'étais petite, elle m'avait beaucoup frappée. C'est le petit tas de cendres de Pauline avec la fumée, les deux petits chats qui sont autour, qui pleurent des ruisseaux de larmes qui forment un petit lac autour de ses petites chaussures qui sont intactes. Alors ça, c'est une image qui m'est revenue comme ça instantanément. Dès que je l'ai vue, je me dis « Ah oui, c'est vrai !» Et là, je la trouve très drôle. L'histoire du garçon tout noir. Un beau jour, sur le boulevard, se promenait un garçon noir. Mais tellement, tellement noir que plus noir ne se pouvait voir. Il avait l'ombrelle à la main, car le soleil gâte le teint. Petit Louis s'en vint au galop, portant fièrement un drapeau. Gaspard accourut à la suite avec une bretzel bien cuite. Guillaume arriva le dernier et son cerceau l'avant-dernier. Tous les trois de rire éclatèrent, crièrent bien fort, ricanèrent, car vraiment ce garçon tout noir, plus que l'encre noire, était noir. Le grand Nicolas, vers le soir, avec son grand encrier noir, vint à passer et vit cela. Il dit « Enfant, écoutez-moi. Laissez ce garçon noir tranquille. Croyez-vous que ce soit facile d'être blanc quand on ne l'est pas ?» Mais les gamins n'en firent qu'à, et même lui rirent au nez. Rirent à rire redoublé du pauvre petit garçon noir, plus noir que vous ne pouvez croire. Nicolas se mit en colère. Il saisit sans plus de manière les trois acharnés sacripants qui riaient toujours cependant, car ils étaient vraiment méchants. Guillaume, Gaspard, Petit Louis, tous trois, un par un, il les prit. Regarde bien sur cette image combien terrible est son visage. Et puis dans l'encre, il les trempa, bien jusqu'au fond, il les plongea, pieds, tête, nez, cheveux, sourcils, drapeaux, cerceaux, bretzel aussi. Vois maintenant comme ils sont noirs, bien plus noirs que le garçon noir. Vois comme il marche fièrement avec son ombrelle en avant. Les autres suivent par derrière, noirs à faire fuir la lumière. S'ils n'avaient pas bêtement ri, ils n'auraient pas été noircis. Je me souviens, quand j'étais petite, je pensais, mais comment ils font pour respirer dans l'encre noire? Parce que quand j'étais petite, j'avais une terreur de l'eau, parce que je ne savais pas très bien nager. J'ai su nager assez tard, et le fait que ça soit de l'encre, que ça soit tout noir comme ça, ça me terrorisait. Je me demandais, mais comment ils font pour respirer là-dedans? L'histoire du méchant Frédéric. Ce Frédéric, c'est vraiment l'ennemi public. Aux mouches, il ôte les ailes. Il étrangle les tourterelles, tue les chats à coups de pavé et casse des chaises les pieds. Il va jusqu'à fouetter sa bonne, qui ne le raconte à personne. À la fontaine, un bon gros chien, ayant fort soif, buvait très bien. Hélas, Frédéric le mauvais passa par là avec son fouet. Il fouetta le gros chien très fort et le chien hurla à la mort. Mais soudain, le chien, bondissant, mordit Frédéric jusqu'au sang. Frédéric cria comme un sourd. Le chien pensa « C'est bien ton tour ». Il prit le fouet et sans façon, il courut jusqu'à la maison. Frédéric n'est plus si jovial, car sa jambe lui fait très mal. Et le docteur l'oblige à boire une potion amère et noire. Monsieur le chien, pendant ce temps, se met à table fort gaiement. Il dévore tout le goûter que Frédéric devait manger, lèche soigneusement le jus, et puis boit un coup là-dessus. Près de lui, il garde le fouet qui ne le quittera jamais. Crastinia, c'est un livre qu'on vous a raconté. Et quels sont les livres que vous avez lus? Est-ce que vous lisiez beaucoup déjà, petite fille? J'ai lu, oui, j'ai lu assez vite et j'ai plus tard dévoré. Mais je dévorais beaucoup les livres de bibliothèque, les livres de bibliothèque rose, bibliothèque rouge et or, tous ces livres-là, j'ai vraiment dévoré. Je lisais mais, plusieurs livres par jour, quoi. C'était vraiment ma passion à tel point que j'avais beaucoup de petits frères et sœurs, beaucoup de cousins, cousines, etc. pendant les vacances, et qui me planquaient tous mes bouquins pour pas que je lise parce qu'ils avaient horreur de ça. C'était drôle. Vous lisiez en mangeant ? Non, je lisais pas en mangeant. Je lisais pas en mangeant, mais j'étais insupportable parce que je voulais rien faire. Parce que je passais mon temps plongé dans les bouquins, je me planquais, je me cachais sous mes couvertures le soir. Enfin bon, c'était la terreur de ma mère. C'est votre grand-mère qui vous racontait Krastinias ? Oui, parce que quand j'étais toute petite, c'est ma grand-mère qui me racontait les histoires, qui me lisait les histoires. Pendant les vacances, on allait dans sa chambre et elle nous racontait les histoires. Parce qu'en fait, ma mère, j'ai moins de souvenirs de ça parce qu'on était très nombreux. Enfin, moi, je suis l'aînée de 11 enfants, donc on était vraiment nombreux. Et elle avait moins le temps de lire, quoi, comme ça. Alors que ma grand-mère, pendant les vacances, elle était là pour ça, quoi. C'était la grand-mère. Et on adorait ça. On se mettait au chaud, bien au chaud dans son lit et on écoutait. Où est-ce que vous lisiez, à part dans votre lit ? Moi, je lisais un peu partout, j'avoue. Dès que j'avais un livre, je le dévorais sur place. Il fallait que je le finisse instantanément. Je ne supportais pas, je devenais vraiment impossible. Je ne supportais pas qu'on me sorte d'une histoire. C'était vraiment... je devenais insupportable jusqu'à ce que j'ai fini ce livre, quoi. Mais je pouvais lire dans le jardin, à l'école, sous les tables, pendant que la maîtresse ne voyait pas. Enfin bon, c'était drôle, quoi. Je lisais partout. L'histoire du chasseur féroce. C'était un chasseur fort féroce, qui avait les cheveux en brosse, un habit de chasse vert de gris, une musette, un grand fusil et des lunettes sur le nez, car il n'y voyait pas assez. Il se leva de bon matin, prit son grand fusil à la main. Féroce des pieds jusqu'aux lèvres, il s'en alla chasser le lièvre. Le lièvre, caché dans les feuilles, le regardait du coin de l'œil. Le soleil tapait comme un sourd et le fusil se faisait lourd. Sur l'herbe douce, le chasseur bientôt ronfla comme un sonneur. Le lièvre n'attendait que ça. Tout doucement, il s'approcha, prit le fusil, prit les lunettes et fit ce qu'il avait en tête. Le lièvre a chaussé les lunettes afin d'avoir la vue plus nette. Voilà qu'il vise le chasseur. Le chasseur féroce a très peur. Il court à toutes jambes et crie « Au secours, sauvez-moi la vie !» Le coup va partir. Attention ! Le chasseur court vers sa maison. Le lièvre appuie sur la gâchette. Le chasseur fait la galipette. Juste à temps, plonge dans le puits. La balle part avec grand bruit. Sa femme, d'un air distingué, buvait justement son café en regardant par la fenêtre. La balle mit la tasse en miettes, répandant le café tout chaud sur le nez d'un petit levrault qui n'était autre que le fils du grand lièvre plein de malice. Il cria « Qui donc m'a brûlé ?» et prit la cuillère à café. Ah oui. Oh, histoire horrible. Quand on lui coupe les pouces et quand Conrade suce son pouce et qu'on vient lui couper les pouces. Et ça, c'est une histoire terrible, parce que quand on est enfant, on suce son pouce. Enfin, moi, je sais que j'ai sucé mon pouce jusqu'à l'âge de 10 ans, qui est très tard, et que mes parents essayaient de me terroriser pour que j'arrête de sucer mon pouce. Et j'avoue que cette histoire est absolument horrible. Surtout la dernière image, avec les ciseaux, les énormes ciseaux qui coupent le pouce, avec les petites gouttes de sang qui tombent, qui font une petite flaque. L'histoire du suceur de pouce. Conrad dit un jour la maman, « Je dois sortir pour un moment. Sois sage et bon comme un amour jusqu'à l'heure de mon retour. Surtout, ne suce pas ton pouce, quelle que soit l'envie qui te pousse. Sinon, viendra l'homme au ciseau qui te coupera aussitôt les deux pouces sans hésiter, comme s'ils étaient de papier. » À peine la maman sortie, hop là, le pouce est englouti. Blam ! Qui claque la porte si fort ? Qui donc court dans le corridor ? C'est l'homme au ciseau, c'est bien lui. Le voilà, clic-clac, c'est fini. Avec ses grands ciseaux d'acier, il coupe les pousses sucées. Conrad, hélas, n'a plus de pousses. Croyez-vous que cela repousse ? Quand sa maman revint, le soir, Conrad était bien triste à voir. Où sont tes pousses, mon petit ? Hélas, maman, ils sont partis. C'est des histoires assez horribles, hein, dans Castignas. Ah oui, c'est horrible, mais je crois que quand on est enfant, on aime bien ce qui est horrible. Tous les souvenirs de lecture que j'ai, d'histoires qui m'ont marquée quand j'étais petite, c'était des histoires horribles. L'histoire d'ocre, de sorcière, tout ça, c'est ce qu'on adore quand on est petit. On adore avoir peur. Moi, je crois. Hein. Enfin, moi, j'adorais ça, en tout cas. Ça vous faisait peur ? Ah oui, ça me faisait peur. À Crastignas, ça me faisait très peur. La petite fille qui brûlait, il restait plus qu'un petit tas de cendres. Enfin, c'était horrible. Le petit garçon qui mangeait pas sa soupe et qui maigrissait tellement qu'il était enterré. Enfin, bon, c'était terrible pour moi. J'en avais des cauchemars, mais j'adorais ça. L'histoire de Philippe qui gigote. Savoir te tenir à table, Philippe, en es-tu capable ? Ainsi parlait le papa en commençant le repas. La maman ne disait rien, tout en n'en pensant pas moins. Philippe n'écoutait guère ce que lui disait son père. Il gigotait, se balançait, se dandinait et trépignait, et l'on entendait craquer la chaise des quatre pieds. Philippe, le diable au corps, gigote bien plus encore, et ses grands balancements sont de plus en plus violents. Sur l'image ci-dessus, vois ce qui est advenu. La chaise soudain bascule, Philippe, tête de mule, bascule avec elle aussi. Ça, c'est vraiment réussi. Mais ce n'est pas tout, regarde. Cherchant une sauvegarde, à la nappe il se cramponne. Voilà que tout tourbillonne, soupe, vin, assiette, tout. Papa entre en grand courroux. Maman, elle, ne dit rien, tout en n'en pensant pas moins. La nappe, avec le couvert, tout est tourné à l'envers et Philippe est là-dessous. Ça lui coule dans le cou. Adieu donc, les bonnes choses. Papa en est tout morose. Sans parler de la vaisselle qui se ramasse à la pelle. Pauvres parents affamés. Ils n'ont plus rien à manger. Oui, l'histoire de Gaspard mange ta soupe, elle m'avait beaucoup marquée aussi parce qu'on était tous assez maigres dans la famille et on n'arrêtait pas de nous raconter qu'on allait fondre si on ne mangeait pas parce qu'évidemment, la soupe, on en mangeait tous les soirs et on n'aimait vraiment pas ça. Alors à chaque fois, on nous disait « tu vas devenir maigre, maigre, maigre, tu ne vas plus pouvoir marcher » et tout. Et là, cette histoire avec les dessins surtout de Gaspard qui maigrit tellement qu'il ne reste plus rien, c'était assez horrible. Surtout la dernière image avec le tombeau, la petite croix, puis la soupière sur le tombeau, c'est horrible. L'histoire de Gaspard mange ta soupe. Gaspard était un garçon gros et rond comme un marron. Il vidait bien son assiette de soupe et la rendait nette. Mais un jour, il s'écria « La soupe, j'en veux pas. Non, non, pas de soupe. Non, pas de soupe. Non et non. » Le lendemain, comme on voit, il était déjà moins gras. Comme la veille, il cria « La soupe, je n'en veux pas. Non, non, pas de soupe. Non. » Pas de soupe, non et non. Le jour d'après, le rebelle était comme une ficelle. Mais quand la soupe arriva, de nouveau il s'écria « La soupe, j'en veux pas. Non, non, pas de soupe, non, pas de soupe, non et non. » Le quatrième jour vint, il ne restait presque rien. Puis un autre jour encore, il était tout à fait mort. Sinon, il y a l'histoire de Jean qui regarde en l'air, qu'on racontait toujours à mon petit frère parce qu'il était complètement tête en l'air. et ma grand-mère s'acharnait à lui raconter cette histoire pour lui montrer qu'il fallait bien faire attention et qu'il fallait pas regarder n'importe où. Et on voit les trois petits poissons qui font la danse, hein, qui sont ravis de leur coup. C'est marrant. C'est très poétique, en fait, celle-là. Elle est moins cruelle. Elle est plus rigolote. L'histoire de Jean regardant l'air. Jean, l'été comme l'hiver, toujours regardait en l'air, sur le chemin de l'école, les oiseaux qui batifolent, le ciel, les nuages, les toits, au lieu de voir devant soi. Chacun disait, haut et clair, « Voici Jean regardant l'air ». Un chien courait sans souci lorsque Jean vint par ici. Mais où donc regarder Jean ? En l'air, naturellement. Le chien courait ventre à terre. Jean tomba sur le derrière et le chien tomba dessous. Ils se firent mal partout. Son cartable sous son bras, Jean cheminait à grands pas, regardant de tous ses yeux dans le ciel les oiseaux bleus. Une rivière était là, pas là-haut, mais là, en bas. Dans l'eau, trois petits poissons s'étonnaient de ses façons. Encore un pas, voilà, plouf ! Sans pouvoir même dire ouf, Jean tombe dans la rivière, tête en bas, devant derrière. Et les trois petits poissons, affolés, tournent en rond. Par chance, deux compagnons passaient dans les environs. Ils le sortirent de l'eau avec les outils qu'il faut. Vois-tu comme il est mouillé de la tête jusqu'aux pieds ? L'eau coule de ses cheveux, de son nez et de ses yeux. Ses vêtements sont trempés. Il a froid, c'en est pitié. Mais les trois petits poissons rient et chantent des chansons. Ils sortent de l'eau leur tête pour profiter de la fête. Ils rient très fort et longtemps. Le cartable va nageant. Et alors comment vous trouvez la traduction de Cavana ? Parce que c'est pas dans cette version que vous l'avez entendue. Oui, moi je la découvre parce que... Moi, je l'ai lu, donc traduit de l'anglais par ma grand-mère. Donc, elle nous racontait l'histoire un peu à sa façon. Et là, c'est une découverte, parce que c'est en fait une traduction de vers, ce que je ne savais absolument pas. Et c'est une traduction... Évidemment, c'est plus littéraire, mais c'est amusant, parce qu'il y a des jeux de mots, il y a... Enfin, ça rime, c'est très amusant à lire, en tout cas. On peut, pour à lire pour des enfants, on peut s'amuser. Ça peut être très bien, ça. L'histoire de Robert qui vole. Quand la pluie tombe à torrents, quand le tonnerre va tonnant, alors les garçons et les filles restent au sec dans leur famille. Mais Robert s'écrie « Pas du tout, j'aime l'orage, moi, c'est fou !» Et il sort, la mine ravie, avec un très grand parapluie. Mais voilà que le vent fait rage, courbant les arbres au passage. Il souffle dans le parapluie. Robert vole comme une pie. Il crie, il pleure, mais en vain. Toujours plus haut, toujours plus loin. Le vois-tu là-bas tout petit ? Son chapeau vole devant lui. Toujours plus loin, toujours plus haut. Robert, parapluie et chapeau, beaucoup plus haut que les nuages, vont là d'où viennent les orages. Bientôt, ils se cognent au ciel, qui peut-être est en caramel. Mais de ça, qui peut nous instruire ? Robert, s'il revient pour le dire. Première lecture, lecture d'enfance. Crastinias, du docteur Heinrich Hoffmann, par Clotilde Bézère. Pierre Mine, Annick Brien, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.